Salut les amis. Salut Charline. On reçoit qui? Johan Sfar. Ah, super. C'est génial, c'est toujours chouette d'avoir quelqu'un de la maison. Hein, mais il est pas de la maison enfin. Ah, bon, il bosse pas sur Inter. Ah non non. Non mais pas officiellement, tu veux dire, mais c'est... Oui, bah, c'est ça. Il est quand même souvent invité parce ouais, que il a fait 7-9 hier matin. Et il est chez Nagui bientôt. Et voilà. Ouais, mais bah, il a la carte. À mon avis, il a même la carte de cantine. Ouais. Parlant de cantine, tu sais qu'il va bientôt être invité chez François Régis Gaudry. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça, il va proposer sa meilleure recette de yaourt. Ah quand même. Il aime bien être invité, c'est tout. Oui, mais il est aussi dans CO2 mon amour. Mais c'est une émission sur l'environnement. Oui, mais il paraît que pour faire l'émission, il s'est fait installer des toilettes sèches. Mais non. Mais c'est quelqu'un de super impliqué. Bah, oui, impliqué, mais il exagère quand même. Oui. Non, bah, oui. Quand même, faire croire à Jean Lebrun qu'il est l'arrière-petit-neveu de Bokassa. Bah, tout ça pour faire la marche de l'histoire. C'est gros. Ah ouais, c'est gros. Quand même. Ah, bah, ouais. Ouais. Ah, ouais. Et il paraît que son voisin est très très inquiet qu'il l'assassine pour aller dans l'affaire sensible. Ouais, c'est quelqu'un de très impliqué. Bah, oui, oui. Ah, mais c'est super qu'il vienne. Oui, oui, oui, oui. Mais surtout mais qu'on a du bol parce que la semaine prochaine, il n'était pas disponible. Ah, bon, il était où? À Blanzu, dans le Puy-de-Dôme. Ah ouais, il suit Nicolas Toufflet pour le jeu des 1000 euros. Et en plus, ça va nous coûter du pognon. Inter, bienvenue sur Fréquence Johan Sfar. Vous écoutez l'émission qui prépare un putsch contre l'actualité et voici les trois informations qui seront renversées d'ici 18h. La France recule de 7 places au classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse à cause d'une petite poignée d'hommes d'affaires. Déshabillez-vous, vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu, nous allons pouvoir juger de l'effet comique. Même les rêves finissent à la banque, un fonds qui rassemble des dizaines de milliers de récits de rêves accumulés pour être étudiés par des scientifiques, eh bien il y a la file au guichet. S'il vous plaît, pour les rêves My Million, vous pouvez avancer. D'abord les rêves de voiture, maison, bateau. Tout ce qui vole, faudra patienter. Les autres, vous me remplissez ça. Nom, prénom, détail du rêve en majuscule. Et mon rêve, Emmanuel Macron. Ah, et partout dans la presse. Il serait même le candidat de la presse étrangère. Ça, c'est l'effet En Marche, hein, le mouvement qu'il vient de lancer, seul contre tous. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Oh, c'est tout manu, ça. Et je suis... Sa profession de foi, ça, incroyable. C'est dingue, on l'a reconnu. Et je suis accompagnée de celui qui a le même conseiller image que le prince de Lu, c'est Alex Vizorek. C'est vrai, c'est vrai. Et on en vend beaucoup moins de moi-même. Et autour de la table, nous avons une belle équipe. À 17h20, s'il était entré dans sa loge plutôt que dans celle de Joe Star, Gilles Verdez serait reparti avec un claquage du cerveau, ne supportant pas les monologues sur Deleuze. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charlie. Vous avez raison, c'est une arme fatale. Je sais de quoi on parle. Je vais vous parler d'un beau projet qui s'appelle Autour de Chet. C'est un hommage à Chet Baker avec des artistes français pour la plupart. Et c'est aussi beau que le projet de Nina que je vous avais, dont je vous avais parlé la semaine, l'année dernière. Eh bien, ouais. De toute façon, on s'en souvient, on les apprend par cœur, les chroniques André. Voilà, t'es excellent. 17h30, l'homme qui fait peur à tous ses interviewés car ils n'ont jamais la bonne réponse à ses questions. Commencer une interview face à Guillaume Meurice, c'est commencer un petit judo face à Teddy Riner. On est certain de perdre. Bonjour Guillaume. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je me suis intéressé aujourd'hui à une nouvelle proposition de loi présentée hier par 3 députés qui souhaitent interdire la fessée donnée aux enfants. Alors c'est pas grave, les enfants ils ont plein d'autres idées de punition. On prive l'enfant de faim, alors de ses besoins habituels, dormir, manger, se dépenser. Voilà, pour un stage à Guantanamo elle est prête. Et 17h40, celle qui est heureuse de voir que les jours s'allongent et que les rosées se rafraîchissent, même si à choisir elle préférait encore l'inverse, que les jours se rafraîchissent et que les rosées surtout s'allongent. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour, et bien moi je vais vous parler des promesses non tenues. Non, je ne parlerai pas de François Hollande. Ah. Le référent de la République qui nous accompagne aujourd'hui est né sous Pompidou. Vous obtenez une maîtrise de philo en 90 quand paraît le premier tome du Petit Spirou. Vous publiez le premier tome de la série Le Chat du Rabbin en 2002 quand Le Pen passe le premier tour. C'était un fameux 21 avril. Vous obtenez le César du meilleur premier film pour Gainsbourg Vie héroïque en 2011. C'est aussi l'année d'Intouchables. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... L'ami d'André Manoukian. Je suis pas Joey Star, je suis Joey Star. L'autre sur France Inter, Charline Vaninacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Johan Sfar est avec nous. Vous publiez Tu n'as rien à craindre de moi, votre nouvelle bande dessinée, édition Rue de Sèvres. Le créateur s'amuse, les relations de l'amour et de la création. Première question relative au titre Johan Sfar, Tu n'as rien à craindre de moi. Est-ce qu'il arrive au créateur de craindre son modèle ? Oui, le titre, ça veut dire « je vais te défoncer la gueule ». C'est, tu n'as rien à craindre de moi, ça veut dire « enlève tous tes boucliers, je vais prendre ton cœur, je vais le mettre en jetétra, ça va faire une salade grecque ». Mais je voulais un titre plus court. Vous allez finir chez Gaudry. Hein. Je me demande si j'ai le droit de tripoter Manoukian autant que le fait de jouer Star. Vous voulez essayer ? Allez-y. Non, j'ose pas. Non, toujours, j'ose pas. Alors, le héros est un blond aux yeux bleus. Comme moi. C'est pour pas qu'on vous reconnaisse, Johan Sfar ? C'est un peu gros quand même. Hein. Mais c'est, en fait, pour c'est pas être moi. Reconnu. En fait, c'est pas moi. Le personnage auquel je m'identifie, c'est la copine de l'héroïne. C'est Protéine, ouais. Qui est une juive névrosée qui trouve que dorénavant, on trouve plus de séfarades que chez les musulmans. Donc elle veut se convertir à l'islam. Mais l'imam trouve qu'elle est trop rigoriste, donc il la vire. Ensuite, elle trouve que les hétéros savent pas réfléchir leur couple. Donc elle décide de devenir lesbienne. Mais le problème, c'est qu'elle a aucun désir pour les filles. Et elle conclut qu'elle est tellement intelligente que c'est à cause de ça qu'elle a des problèmes dans la vie. Et en fait, elle est juste chiante. Donc je m'identifie beaucoup à elle. À la lesbienne. Oui, vous vous sentez profondément lesbienne. Non, je me sens profondément folle, en fait. Le côté « ce monde n'est pas fait pour moi, en échange, je vais emmerder tout le monde », ça, c'est le résumé de ma vie. Donc, de toute façon, moi, les personnages principaux sont toujours des tata-clacs. L'amoureux, son amoureuse, le peintre, le modèle, je les raconte, je les dessine, mais je m'identifie beaucoup plus aux personnages secondaires qui font les clowns. Moi, je suis plus Capitaine Haddock que Tintin, de toute façon. Alors, il cherche une solution à la création à travers l'amour et le sexe. Votre personnage principal qui s'appelle Cyberstein. On peut dire ça. J'ai essayé de mettre dans cette bande dessinée tout ce qui m'agaçait dans la nouvelle vague quand j'étais enfant et qu'aujourd'hui j'adore. Une histoire d'amour à Paris. C'est très filmographique comme bande dessinée. Bah oui, mais au cinéma on me permettrait pas de monter ça parce qu'on me dirait mais personne ne veut ce genre de film aujourd'hui. C'est un mec, c'est une nana, c'est Paris, ils sont amoureux, elle lui défonce la gueule, il se retrouve seul, il boit. Voilà. On dit comme ça. C'est notre histoire, Alex, tous les jours. C'est la vie. Ce qui est amusant aussi, c'est que alors vous venez de dire que oui, un petit peu comment ça se termine, mais à un moment on n'est pas sûr qu'ils vont rester ensemble, c'est un peu le suspense. Et tout le suspense, c'est aussi de savoir si elle ne va pas le quitter au moment de l'exposition des toiles, alors qu'il y a ses fesses sur toutes les toiles. C'est un peu aussi le rapport du créateur à la... Moi, mon idée, c'est de rendre joyeuse, ou en tout cas lumineuse, même la rupture dans ce genre de récit. De dire, mon grand-père avait coutume de dire, tant que tu as des peines amoureuses, c'est que la leucémie n'est pas encore là. Donc j'essaie de rester dans cette règle de vie. Ça va mieux. Et puis, c'est même quand il se quitte, je trouve ça joli. Moi j'aime bien le mélo. L'envie en fait. Du créateur Alex. De parler de création, c'est assez typique de... Je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas original du tout. Non, pas du tout. C'est 30 ans de recherche chez Johan Sfar. Ouais, c'est ça. J'ai jamais travaillé sur autre chose, sur des êtres qui se regardent, qui essaient de se dessiner et ça fout en l'air leur vie. Parce que quand vous commencez à dessiner un modèle, que ce soit un homme ou une femme, au début il est très flatté, ou elle, il adore ça, et au bout d'un moment ça gonfle. Au bout d'un moment, le modèle se met à détester sa propre beauté, se met à en avoir marre de cet abruti qui la regarde tout le temps, ça fait serial killer au bout d'un moment. Et je suis persuadé que les dessinateurs attirent les filles, puis les font fuir par le dessin. Ce qui n'est pas le cas des pianistes. C'est pareil, les pianistes et les chanteuses, il y a un moment donné où la chanteuse, elle en a ras-le-bol d'être investie de tout ce qu'elle n'est pas. Quoi. Vous avez vu le dernier épisode de la série Girls, où la nana est avec son mari, qui est guitariste, il joue tranquillement et elle lui dit « arrête de jouer de la guitare de manière agressive ». On sent que c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a un envahissement à tout niveau, même quand il accumule l'étoile dans la salle de bain, il y a un envahissement aussi de l'espace physique du modèle, finalement. Oui, elle part en lui... C'est pas un livre avec du suspense, c'est pour ça que je peux raconter des trucs. Elle part en lui disant « tu ne vas pas comprendre, je pars parce que je ne suis pas un personnage ». Ce qui est singulier, c'est qu'il passe son temps à l'appeler Mireille d'Arc. Oui, à la limite. Il ne s'est même pas intéressé à qui elle était vraiment. Lui, ce qui l'amuse, c'est qu'elle ressemble à Mireille d'Arc. Elle ne sait pas qui c'est Mireille d'Arc, de toute façon. C'est l'histoire de Cyberstein et de Mireille d'Arc. Il dessine les femmes nues très très bien, Johan Sfar. Il y a un truc pour nous qui est difficile à comprendre, parce que pour les artistes qui dessinent, l'idée de sublimer leur partenaire ou leur muse, c'est important. Nous, on est humoristes. C'est-à-dire que quand on est très amoureux, on les vanne. Et elles s'en vont. Donc, est-ce que vous avez un conseil ? Ce qu'on a en commun, c'est qu'elles s'en vont, donc je pense qu'on peut travailler là-dessus. Très bien, belle conclusion. Pour les rapports créateurs, modèles, amour, la BD de Johan Sfar s'appelle « Tu n'as rien à craindre de moi », édition Rue de Sèvres. On va en reparler tout à l'heure de ce rapport-là et de la bande dessinée avec Juliette Arnaud. Love just like a boomerang, bouncing back to where it starts. We belong like like yin and yang, even if you put us apart. I feel a boom and a bang, someday soon you'll feel it too. Watch out for the boomerang, always bouncing back to you. I got hooked, but you will hang. Time will pass and then we'll be two. Watch out for the boomerang. Own self-portrait. Now I'm in the boomerang brotherhood. Now shoes on the other foot. Now to be a member is to be a pretender, just to pretend that you don't remember. But that's how it goes. The first offender gets a boomerang, man. Return to sender. I feel a boom and a bang, a beating in my broken heart. Love just like a boomerang, bouncing back to where it starts. We belong like yin and yang, even if you pull us apart. Someday soon you'll feel it too. Watch out for the boomerang, always bouncing back to you. I got hooked, but you will have. Time will pass and then we'll be too. Gonzalez, Feist et Dani, comme un boomerang. Cet hommage à Gainsbourg. C'est la programmation musicale de Djoubaka, sans doute en l'honneur de notre invité qui est Johan Sfar. À mon avis, surtout un sacré coup de bol. Sa dernière bande dessinée qui se lit comme on regarde un film. Tu n'as rien à craindre de moi, édition Rue de Sèvres. On va en reparler tout à l'heure avec... Avec Juliette Arnaud, évidemment, parce que d'habitude je les cite dans l'ordre, donc je vais les citer dans le désordre. Guillaume Meurice et André Manoukian qui est prêt pour dans une petite dizaine de minutes. Un petit peu de désordre. Oh là là, mais bah vous oui. me prenez par surprise. Même je sais dans l'information, plus quoi faire. Allez. Hop. Bon, allez à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Selon un sondage, Emmanuel Macron serait le meilleur candidat à la présidentielle pour les sympathisants de gauche. Ah, on savait que les sympathisants de gauche allaient pas bien, mais à ce point-là... On parlera également de Ramayad, de Nicolas Dupont-Aignan et d'Anders Breivik. Voilà, seuls deux sur les trois sont vraiment dangereux pour la France. Et il y aura des brèves. Et celles-là, elles sont très dangereuses. On commence avec ce sondage qui place Emmanuel Macron en tête des personnalités de gauche. Oh, ça fait dur à dire. Dur à dire. Pour la présidentielle. Voilà, je ne vous cache pas que Cécile Duflot et Clémentine Autain sont un peu plus loin dans le sondage. Mais ce qui est surprenant, oui, c'est que même pour les gens de gauche, il est le, voilà, c'est le meilleur. C'est ça ne sort pas. Et c'est là qu'on se dit que les sympathisants de droite sont plus cohérents. Il n'y a pas un sondage annonçant que Mélenchon serait leur meilleur candidat. Voyez, ça, c'est... Alors, passons vraiment à droite. Voilà. D'après Le Parisien, oui, aujourd'hui en France, Ramayad réfléchit beaucoup à une candidature à la présidentielle. Ah, non, c'est faux. Ah bon ? Ah bah non, si elle réfléchissait beaucoup, elle se présenterait pas. Ah après, oui. Allons encore plus à droite. Voilà, des nouvelles de Nicolas Dupont-Aignan, qui lui réfléchit aussi, attention. Oui, il a déclaré « J'ai imaginé un gouvernement d'ouverture avec des gens comme Henri Guénaud ou encore Jacques Millard, mais Malek Bouty ou Arnaud Montebourg. » Mais quelle perte d'énergie. Mais Nicolas Dupont-Aignan qui réfléchit à qui il va mettre dans le gouvernement. Je pense qu'après, il va réfléchir à son discours du 14 juillet. Qu'est-ce qu'il va dire à Hillary Clinton quand il va la croiser ? Bah, je sais pas, non, moi. Non, mais dans 10 jours, il va s'entraîner à planter le drapeau français en combinaison de spationautes, des fois qu'il irait sur Mars pour le premier. International. Ah, excusez-moi. On apprend avec plusieurs jours de retard que plus de 500 migrants seraient décédés dans un naufrage en Méditerranée. Des voix s'élèvent contre le traitement médiatique de cette information passée complètement inapperçue pendant des jours. En même temps, si les victimes du naufrage se faisaient livrer les pizzas par Gilles Verdès, là, voyez, c'est aussi... Il y a du marketing. Bien quoi. Sûr, bien sûr. International toujours, oui. Norvège, oui. Anders Breivik gagne son procès procès contre l'État norvégien pour traitement inhumain. Voilà, donc Mohamed Abrini envisage de porter plainte contre l'aéroport de Bruxelles National pour annulation du vol. Économie, la rémunération du PDG d'Air France KLM s'envole de 65%. Ah là, les syndicats se réjouissent, ça fait beaucoup de nouvelles chemises pour la prochaine AG, super. Santé, le vaccin contre la tuberculose est en rupture de stock. Oui, une rupture de stock, ça serait jamais arrivé du temps de Roselyne Bachelot. Médias à présent. Oui, Nabila fait son retour, sa tournée des médias. Et d'ailleurs, je le dis à l'auditeur, si elle n'est pas dans cette émission, ce n'est ni de ma faute, ni à cause d'André Manoukian. C'est à cause de Charline Van Hoenacker qui se refuse totalement à ouvrir à des invités, je dirais, de la diversité. Intellectuelle en l'occurrence. Les gens doivent savoir à un moment. Il n'y a pas question que Nabila vienne dans cette émission. Voilà, vous l'avez entendu. C'est pas de ma faute. Ça apporterait quoi? Hashtag je suis Nabila. Aidez-nous à faire inviter Nabila dans cette émission. Alors là, excusez-moi, attendez, là je rigole pas du tout. Là vous prenez l'antenne en otage. Exactement. Mais ça ne se fait pas. Ça se fait sur D8 certains soirs par une certaine catégorie d'animateurs, mais pas ici. Voilà, poursuivez. Bon, oui, le journal. Marc-Olivier Fogel l'a reçu, lui, sur RTL. Et il a tenté de lui parler d'actu. Oui, bah, il fait ce qu'il veut. Vous êtes en contact avec ce qui se passe, ou alors vous êtes un peu dans votre bulle, par exemple. Vous savez qu'il y a des tas de gens de votre âge qui défilent contre la loi El Khomri, par exemple. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas qui c'est, moi, lui. Qu'est-ce qu'elle viendrait faire? Il a essayé, lui, au moins. Écoutez, je suis désolé parce qu'elle s'est rattrapée avec écoutez quand même. Bah, moi, je connais François Hollande, Michel Sapin, des trucs comme ça. Elle connaît des trucs comme ça. Mais voilà. Ouais. Bon, vous avez peut-être raison, il fallait pas l'inviter. Voilà, merci. Allez. Bon, vous savez quoi? Je préfère encore faire une spéciale brève. Allez, je fais la brève. Isère, il tire dans un cabinet médical après que le médecin lui ait refusé un arrêt de travail. Résultat, il a été condamné à 12 mois de prison ferme, voilà, comme Nabila. Il a pas du travail. Non, présomption d'innocence, bien sûr, bien tout entendu. Ça, voilà. Il est 17h25 sur France Inter, nous sommes en compagnie de Johan Sfar. Qu'on a rien à taper, hein. Il dessine sur les bureaux. J'écoute tout. Et alors, rien à taper. Mais c'est pas vrai. J'étais prêt à garder l'antenne tant que Nabila arrivait pas. Johan Sfar, on va profiter de votre présence pour aborder le premier sujet. Je sais qu'il vous tient à cœur autant que nous. C'est Reporters sans frontières qui a publié son classement sur la liberté de la presse. Et la France recule de 7 places cette année. À cause de quoi? D'une poignée d'hommes d'affaires qui ont des intérêts extérieur au champ des médias qu'il possède. C'est étonnant. Bravo, bravo, Jordan. Bon chien, bravo. T'as vu ça? C'est un bon chien, non? Il fait le chien. Et moi, je fais le maître. Je suis le maître du chien. Oui. C'est la même chose avec les hommes, Giancarlo. Il y a les chiens et il y a aussi les maîtres. Tu veux être un chien ou un maître? Aucun des deux. Tout ce que je veux, c'est être journaliste. J'étais certain que t'allais répondre ça. Et je parie que tu voudrais être un journaliste, non? Ouais, parce que là aussi, il y a deux catégories de personnes. Il y a les journalistes et les journalistes employés. Pour tout te dire, j'ai choisi la deuxième catégorie. Et je t'avoue qu'en vérité, ça me convient plutôt bien. Mais fais-moi confiance. Ce pays, c'est pas un pays pour les journalistes. C'est un pays pour les journalistes employés. Un extrait du film Fort à Pasque de Marco Risi qui date de 2011. Voilà, la France, 45e sur 180 pays, il n'y a pas si longtemps, déjà 45e, ça, voilà, recule de cette place parce qu'une poignée d'hommes d'affaires d'IRSF a des intérêts extérieurs au champ de compétences des médias et que ça fait reculer la liberté d'expression. Est-ce que c'est si étonnant que ça au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois, de cette habitude française que la presse soit aux mains d'industriels, de groupes, de concentrations? Vous pouvez me laisser continuer à financer mes films tranquillement avec le groupe Canal sans trop m'embêter, s'il vous plaît. Ah, ben vous aussi, vous êtes tenu par les couilles, par le pas cinéma. Pas du tout. Pourquoi, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Mais Canal, c'est pas un grand financier qui tient Canal, non? Non, c'est vrai. C'est une coopérative, Canal. C'est une espèce de colcose. Et puis ça vous regarde pas d'abord. Oui, mais alors, c'est là vous êtes abonné? Non, alors où est le problème? C'est là où on se rend compte qu'effectivement, Canal Plus finance beaucoup le cinéma. Donc si vous vous faites trop de votre nez avec la liberté d'expression, vous risquez peut-être d'avoir des soucis, c'est embêtant. Non, je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça. Bon. Pourquoi vous voulez ruiner ma carrière, moi qui n'ai rien fait? Alors, des journaux. Hein. Alors, allons sur un autre terrain. Parlons de Bolloré un petit peu. Je sais pas, par exemple, c'est vrai que toutes les chaînes d'infos en continu sont aux mains d'industriels, d'hommes d'affaires. Si on prend BFM, si on prend iTélé, vous allez me dire, on va reparler. Mais pourquoi vous regardez comme si vous connaissez quelque chose? C'est le groupe Canal. La liberté d'expression, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Et ce facteur-là joue manifestement dans le classement. Alors peut-être c'est juste un classement RSF. Il y a peut-être d'autres paramètres à prendre en compte. Vous vous sentez pas cornaqué. C'est pas une nouvelle qui vous plombe. Moi j'ai pas. Enfin, ce que j'ai surtout constaté, c'est que le métier de journaliste, les gens avaient de moins en moins d'argent et étaient de moins en moins nombreux pour faire de plus en plus de choses. Elle est là, vrai. Surtout l'atteinte à la liberté d'expression, c'est que tout le monde reprend les dépêches de l'AFP parce qu'on n'a pas le temps de travailler. C'était ma seconde sérieuse. Maintenant, je vais redire des bêtises. C'est vrai, alors il y a un autre aspect, Johann Sfar, par exemple, les politiques ne s'embarrassent parfois plus de passer par les médias, ils diffusent directement leur propagande par les blogs, les réseaux sociaux, etc. Et donc on est dans un mécanisme où les journalistes doivent encore faire plus d'efforts pour essayer de contrer cette propagande, avec moins de moyens. Ça aussi c'est quelque chose que vous observez ? Alors en un mot, la pression, j'ai pas l'impression qu'elle est idéologique, j'ai l'impression qu'elle est financière. Il y a plus de temps, il y a plus d'argent et les gens ont plus le temps de bosser. Elle est idéologique ? Oui, c'est globalement. Il y a des gens qui rachètent des journaux, qui virent la moitié des journalistes et qui leur demandent de refaire le même boulot. Me dites pas qu'à la radio, vous avez pas vu qu'il y a des gens qui sont obligés de se filmer eux-mêmes, de s'enregistrer eux-mêmes, de plus avoir de techniciens quand ils se déplacent, ça existe. Et sans doute que c'est compliqué. Oui. C'est vrai. Oui, j'en ai parlé plusieurs fois ici de militer pour un service public de presse papier. C'est le seul domaine où il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a une radio publique, il y a une télé publique, mais il n'y a pas de presse papier. Et bientôt, il va y avoir radio et télé publique en même temps pour une chaîne d'infos en continu. Où se trouvent encore les espaces ? Vous avez un espace de liberté totale, vous, Johann Sfar, dans vos publications ? Ça s'appelle les bandes dessinées. Oui, voilà. Ça s'appelle les bandes dessinées. Ouais. Parce que c'est Miloš Forman qui disait ça. Il a quitté la dictature communiste pour aller dans la dictature économique. Il aime mieux la dictature économique, mais c'est quand même pas idéal. En bande dessinée, la pression économique est faible. C'est-à-dire que dès qu'un livre se rembourse, donc je peux faire des expériences. En cinéma, je pourrais pas me le permettre. Mon film avec un homme et une femme dans Paris qui s'embrassent pendant une heure et demie, si je veux le financer, je sais pas dans quel pays je vais, mais vraisemblablement en Belgique, mais pas en France. Ah, oui. Et il y a cette liberté en bande dessinée. Ensuite, je crois que les réseaux sociaux offrent une liberté flippante, c'est-à-dire c'est comme un bistrot, n'importe quel connard peut parler, moi y compris, et ça peut être dangereux aussi. Et moi, je suis pas un fou de la démocratie directe, si vous voulez. Je crois que un peu de représentation, c'est pas inutile. Et donc, on réfléchit beaucoup à tout ça en ce moment, je crois. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont des BD reportages aussi, qui offrent cet espace de liberté, qui permettent de dire des choses, comme la BD de Benoît Colomba sur les années de plomb, ou qui était restée, qui a un thème d'histoire qui est un peu dans l'angle mort, et grâce à la bande dessinée, qui peut trouver sa liberté d'expression. Ce qui est intéressant, c'est que le réel infuse dans la fiction de plus en plus. On peut mettre beaucoup de pages, on peut passer du temps. Si on veut passer 2 ans sur un sujet, on peut le faire. Donc c'est sans doute en complément du travail de journaliste. J'ai l'impression que les spectateurs passent facilement d'un médium à l'autre pour avoir un autre type de musique, peut-être. Mmh. Et votre musique à vous, dans le dernier album, Tu n'as rien à craindre de moi, aux éditions Rue de Sèvres. Johann Sfar est avec nous et à ses côtés, il y a André Manoukian. Ah oui. Oui, Johann, le héros dont je vais vous parler, il est blond comme un... Enfin, votre héros est roux, mais le mien, il était blond. Il jouait de la trompette, il chantait comme un dieu. Chet Baker était beau comme James Dean. Chet Baker était cool. En fait, Chet Baker a inventé le mot cool. Le jazz cool est né sur la côte ouest des États-Unis dans les années 50 en réponse tranquille à la frénésie du bebop. Le bebop, c'est une musique de virtuose créée dans un club after hours de New York, le Minton's, dans les années 40 par Charlie Parker et Thelonious Monk, un club qui ouvrait à 4h du matin, heure à laquelle tous les musiciens de New York qui avaient fini leur gig rappliquaient. Un gig, c'est un contrat pour une soirée. Les gars se retrouvaient entre eux à se jauger, à se défier. Et dès qu'un nouveau musicien arrive en ville, c'est là qu'il allait pour voir ce qui valait et éventuellement trouver du boulot. Il faut imaginer ce club, le Minton's, où les gars font la queue pour monter sur scène et où le public est constitué principalement de musiciens. Et là, c'est intéressant. Lacan dit « le discours dépend de la personne à laquelle il s'adresse ». Ces fameux séminaires, il les préparait pas. L'assistance était composée des plus grands intellos de Paris et ça le mettait dans un état tel qu'il sortait des idées qu'il n'aurait jamais eues sans la tension provoquée par ce brillant public. Vous avez un peu ça avec nous, André. Ah si, Charline, il est fort. Charline, si votre émission cartonne et prend des points à Ruki et à Nouna, ce n'est pas grâce au talent de vos chroniqueurs, mais plutôt grâce à l'intelligence des auditeurs de France Inter qui renvoient aux 10 chroniqueurs une attention telle que ça les émet, ça les met dans des états de fulgurance mentale et qui vous sortent des trucs qui n'auraient jamais pu sortir chez la concurrence. Ça s'appelle l'intrication quantique. Charline, nous sommes tous intriqués quantiquement les uns dans les autres. Lâchez-moi. J'adore cette pensée. Mais revenons aux Minton's. ce fameux club à la frontière de Harlem et de Manhattan, où l'interaction entre un public de musiciens et des musiciens sur scène va créer une musique de joute. À force de se défier, on augmente les tempi, on complexifie les accords, on sort de la tonalité pour y rentrer à nouveau sauvagement, et tout ce beau monde se retrouvait vers 7h du matin dans l'appart du pianiste Monk pour analyser toute cette musique qui avait jailli spontanément. C'est la même chose quand on fait les débriefs, nous. La même chose se passe en musique à la Renaissance, et c'est Bach qui va réduire les règles et tâcher de simplifier la musique de ses prédécesseurs qui, à force d'être complexe, devenait pratiquement habitable. Et bien là, c'est Chet Baker qui va répondre à cette frénésie du bebop. On attribue d'ordinaire la naissance du jazz cool à Miles Davis, mais voilà que 60 ans après, des voix se lèvent pour dire que Miles aurait eu sa révélation en écoutant Chet. Son chant minimaliste, sa voix blanche à la limite de la rupture, son jeu sans affect va faire que cet immense styliste deviendra culte après sa mort, attirant un public bien au-delà de la sphère des amateurs de jazz, comme les artistes qui lui rendent hommage dans ce projet somptueusement arrangé par Clément Ducol, Yael Naïm, Hugh Coltman, IBI, José James, Sandra Nkake, Pierce Faccini, Elodie Frégé, Camélia Jordana, Charles Pazzi, Rosemary Stanley pour les chanteurs, autour des trompettistes, Eric Truffaz, Stéphane Belmondo, R.L. Besson, Luca Aquino et Benjamin Biolay. La leçon de Chet, quand on ne peut aller plus vite que la musique, on joue sur la chose la plus mélodieuse qui soit, le silence. On écoute un premier extrait, c'est Camélia Jordana et Eric Truffaz, The Thrill Is Gone. The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can feel it in your sighs. Feel your touch and realize the thrill. The nights are cold, the love is old. I was grand when I was new, birds were singing when skies were blue. La voix sublime de Camélia Jordana. Allez, on écoute un second extrait. Cette fois-ci, c'est Charles Pazzi, le crooner, qui joue de l'harmonica. Et c'est It Could Happen to You. Hide your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened to me. We'll be right back. l'immense Chet Baker et ce fabuleux hommage, encore une fois, qui va sortir le 29 avril. Il y aura une journée spéciale aussi au Jazz à Vienne cet été, qui sera retransmise sur France Inter autour de ce projet. En tout cas, tout ce qu'on peut dire de Chet, c'est que son démon, l'héroïne, qui était peut-être responsable de son jeu cosmique, l'a rattrapé. On va le retrouver mort à Amsterdam, en bas de sa chambre d'hôtel, alors qu'il essayait d'en escalader la façade. Comme quoi, musicien et alpiniste, c'est pas ça peut être... Autour de Chet, donc, Johann Sfar, vous êtes jazz ? Oui. Ouais. Oui, et puis je suis un peu jaloux des jazzmen parce qu'en dessin, la drogue n'aide pas. C'est-à-dire qu'il y a. Non, mais c'est vrai, il y a les musiciens, les stupéfiants les aident dans tous les domaines. Dans le domaine du dessin, dès qu'on se drogue, on dessine comme une merde. Mais par contre, on a le sentiment qu'on est super bon, ce qui est très, très important. Qu'est-ce que vous avez pris pour cet album ? Parce que. Alors, celui-là, rien. Mais par contre, il y en a d'autres. Essayez de retrouver dans l'œuvre de Johann Sfar. Tu n'as rien à craindre de moi, c'est le dernier album de Johann Sfar, édition Rue de Sèvres. Je ne sais pas si vous êtes très Guillaume Meurice, mais peut-être il va vous convertir. La réponse est oui. Non, bien sûr, mais non. J'ai vu sur Facebook, il y a marqué le scandale Guillaume Meurice. Alors, je ne connais pas le détail, mais il faut y aller. On vous en parlera un petit peu plus tard. Je suis favorable. Dès qu'il y a scandale. Un nouveau scandale, peut-être, vous pouvez créer maintenant. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'éducation. Alors, bon, l'éducation, on connaît les différentes méthodes qui existent pour élever des enfants. Il y a par exemple la méthode essentiellement basée sur l'amour de l'enfant, dite méthode jésuite du 16e arrondissement de Paris. Alors là, il y a peut-être trop d'amour, il y a une question de dosage aussi. Il y a la méthode Françoise Dolto, qui aurait pu être crédible si son fils n'avait pas été le chanteur Carlos. Ça fout un petit peu tout en l'air, Françoise, on va pas te le cacher. C'est comme si quelqu'un donnait des conseils pointus en musique dans une émission de radio et dans le même temps disait à la nouvelle star que Christophe Willem est un génie. À un moment donné, on n'y croit pas. J'ai jamais dit ça, mais c'est pas... Mais je ne parlais pas forcément de vous. Voilà, c'est pas facile. Ça reste pas facile d'éduquer des enfants. Et des fois, on s'énerve et on leur met des fessées. Okay. Et là interviennent trois parlementaires, une apparentée PS et deux écologistes. Autant dire que les fessés, ils connaissent un petit peu le truc. Et ils ont présenté hier une proposition de loi pour l'interdire définitivement sur les enfants. Alors moi, je suis allé voir les enfants ce matin pour avoir leur avis. On commence avec un premier qui est contre les fessés. Je suis contre parce que, on peut très bien s'expliquer. Et les parents, ils ne laissent jamais s'expliquer quand on fait une bêtise. Ils nous disent, t'as fait une bêtise, t'as pas à t'expliquer, t'es puni. Est-ce que tu t'es déjà pris une gifle par tes parents ? Non. En fait, mes parents, ils me tapent pas, ils me parlent. Et ça marche ou pas ? Après, t'arrêtes de faire des bêtises ? Non. Voilà, alors l'argumentaire n'est pas hyper convaincant, du coup. Pour la carrière d'avocat, c'est pas gagné. S'il veut continuer à faire des conneries, une carrière de chroniqueur à France Inter, ça peut le faire, par contre. Mais restons sur le thème de la fessée, si vous le voulez bien. Alors, quelle est la dernière que cet autre enfant a reçue ? Je suis prêt à fessée, c'est quand on a eu porté plainte contre moi. Ah, on a porté plainte contre toi ? Oui. Qu'est-ce que t'avais fait ? Bon, en fait, il y avait un ami qui arrêtait pas de m'embêter. Et après, justement, je l'ai frappé et voilà. Et tu t'es pris une fessée ? Oui. Ah, donc t'as frappé et t'as été frappé après ? Oui. Et est-ce que ça va t'empêcher de recommencer ? Non. Voilà, donc, là, on est plutôt sur une carrière à la Joestar, peut-être. Celui qui chantait à l'époque « Allons à l'Élysée brûler les vieux », qui aujourd'hui se rend à l'Élysée, en effet, mais pour manger avec les vieux. De la crème brûlée, peut-être, mais bon, c'était pas le projet de départ. Il s'est assagi, contrairement à cette petite fille. Un jour, je jouais avec un ballon j'ai mis une grosse trace sur la télé. On m'a mis une fessée et un autre jour j'étais à la plage et j'ai perdu l'alliance de mon papa. Il était pas content ? Il a mis le ballon à la poubelle. Ah oui, parce que autant l'alliance on s'en fout, mais le plasma à crédit, il faut quand même pas déconner. La vie c'est pas fait pour jouer au ballon, mais pour regarder des milliardaires jouer au ballon. Il faut les éduquer, les gamins, c'est important. D'ailleurs, cette maman nous explique qu'une fessée c'est rien du tout. C'est simplement corriger l'enfant et lui faire comprendre que faut qu'il soit encadré et qu'il doit comprendre ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire, c'est tout. Mais est-ce qu'on peut pas lui expliquer autrement ? Je pense pas, mais tout dépend de l'âge de l'enfant. Oui, s'il a 25 ans, c'est plus dur. Voilà, par exemple, si votre enfant c'est Teddy Riner, je ne conseille pas la fessée. Préférez plutôt l'explication avec des mots simples. C'est un sportif, quand même, ne l'oubliez pas. Voilà comment, dans une même chronique, me fâcher avec Joestar et Teddy Riner. Vous avez compris, cette chronique est plutôt une tentative de suicide. ou une envie de fessée, je ne sais pas, peut-être cachée, ça me trouble moi-même. D'ailleurs, selon cette même maman, la fessée est bénéfique pour l'enfant. Je pense que ça lui... Il comprend mieux. Mais est-ce que c'est pas humiliant ? Mais non, attendez. Cette nouveauté, c'est pas possible. Moi, je suis issue d'une famille de 10 enfants. Et quand on comprenait pas, ça nous faisait beaucoup de bien. Mais voilà, arrêtons un peu avec la nouveauté, sans déconner. On n'est pas bien dans le passé, là. On n'est pas bien, quand même. On peut même y revenir avec ce grand-père. À l'époque, les... les enseignants nous donnaient des coups avec une règle sur les doigts quand on faisait une bêtise. Aïe. Oh, non, ça fait rien du tout. C'est... Non, vous savez, c'est... Ah, ça fait mal quand même. Non. Non, c'est... Mais du coup, ça sert à quoi si ça fait pas mal? Ah, c'est, ça marque, ça heurte. C'est comme si je vous donne un petit coup. Alors, ça fait un peu mal. Ah, ça fait un peu mal quand même. Oui, ça fait un peu mal. Voilà, hein, par rapport au fait qu'il disait, il y a deux phrases que ça faisait pas mal. Voilà. Du coup, j'avais une dernière question. Mais est-ce que c'est pas du dressage? Allons donc, c'est stupide. Grandes idées qui passent à côté des trucs. Pardon, là j'étais pas loin de la fessée pour le coup. Hein. Fessée qui est interdite, je le rappelle, dans 44 pays du monde aujourd'hui, mais qui reste une tradition en France, puisque notre président lui-même a l'habitude de baisser son froc devant la finance internationale et le MEDEF. Comment arriver de la gifle à la finance? C'est Guillaume Meurice, merci. Nous sommes sur France Inter en compagnie de Johan Sfar. On va aborder le deuxième sujet avec vous. C'est le rêve qui résiste encore à la science. C'est un dossier à lire dans l'Obs. Alors les chercheurs... Pourquoi vous filez toujours les sujets compliqués? Parce que vous êtes intelligent. Vous n'avez pas fait philo? Mais non, j'ai rien écouté, moi. Pardon. Vous allez voir, ça va être facile. Je vais faire des questions faciles. Alors, les chercheurs continuent d'accumuler les récits sur nos songes à chaud, comme ça, ils les capitalisent dans une banque de rêves. On pourrait aussi appeler ça une bibliothèque, bien sûr, parce que tout ça, ce sont bien sûr des histoires. T'as besoin d'autre chose, toi? Oui. Vous aurez rien contre les cauchemars? Les cauchemars? Ah, en ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche dans la tête et là, je me réveille. C'est pas la peine que je te file des trucs à toi. C'est vrai. Super. Vous avez reconnu? Oui, non. Bernie. Oui, Bernie. Ah, bah oui. Albert Dupontel. Bernie Bonvoisin. Non, je ne connais pas. Oui, Dupontel. Donc c'est un dossier à lire dans l'Obs, les rêves qui sont accumulés dans des banques, en tout cas les récits des rêves, par dizaines de milliers, pour que les chercheurs puissent tenter de percer le mystère des rêves. Alors d'abord, par exemple, dans la bande dessinée que vous venez de publier, Johan Sfar, est-ce qu'il y a une part d'onirisme? Est-ce qu'il y a une part de rêve? Est-ce qu'il y a des matins où vous vous réveillez et vous... Là, il y a des rêves très mignons et lisibles parce qu'il est amoureux d'une femme, il la rêve. Machin. Dans la vraie vie, je fais des rêves, je n'ose même pas vous les raconter. Je vous raconte un que j'ai fait il y a 2-3 jours. Ah, je suis là, j'ai une robe. Allongez-vous. Je porte une robe, si vous voulez. Ah. Et le haut de la robe est opaque, le bas aussi. C'est-à-dire mon cou et mes pieds sont couverts. Mais le reste, c'est tout transparent et on voit ma queue. Voilà. J'ai rêvé de ça. Tu vois, si je mets ça dans un livre, tout le monde est mal à l'aise. Donc il vaut mieux que j'aille dans un truc où il regarde la femme qu'il aime et il imagine. Vous et... êtes au courant qu'on se fait l'image dans notre tête. Mais là, on n'est pas à l'antenne de toute façon. Non, ça va. Non, bien sûr. C'est marrant parce que les scientifiques en étudiant les récits des rêves, voit que chez chacun d'entre nous, il y a 1 à 2% de nos rêves qui sont perdre ses dents ou être nu en public. C'est un peu ça. Alors, l'idée que les rêves échappent encore à la science et qu'on accumule les récits comme ça dans une bibliothèque ou une banque, ça vous fait rêver ou pas? Alors, je vais être sérieux un instant. Dans la narration, je crois qu'on doit beaucoup à l'irrationnel. Et il y a une tentative depuis quelques années de rationaliser l'écriture de scénarios, que ce soit en cinéma, en télévision ou en livre. Et à mon avis, ça nous assassine. Rationaliser, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des professeurs de scénario qui vont dire, alors là c'est la partie A, là c'est l'arc. Grâce à ça, on n'a jamais écrit une seule bonne histoire. Ça, ce sont des analyses a posteriori. La chose qui apporte une histoire, c'est la question qu'on s'est posée en se réveillant ou en rêvant. On se met derrière, on se met à dessiner et la réponse intervient à la fin du récit ou pas, et on demande au lecteur ou au spectateur, comme disait André, d'aider. Mais pour moi, un récit, c'est un grand point d'interrogation. C'est qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai compris. Parce que je regardais cette image et je me disais qu'il est super beau ce rêve. Moi, je l'ai fait la semaine dernière avec. Alors, qu'est-ce que vous décrivez, André? Décrivez le dessin de Johan Sfar. Alors, déjà, on est immergé dans l'eau. Donc, l'eau, c'est le symbole de la libido. Il paraît que quand on rêve d'eau, c'est qu'on rêve de libido. Jésus qui marche sur l'eau, c'est l'homme qui maîtrise sa libido. Enfin, moi, j'y suis jamais arrivé. Donc là, c'est. Elle est immergée dans l'eau. Par André Manoukian, est disponible en double. Lui, il est en train de la peindre. Donc, elle est un peu à quatre pattes, elle est un peu nue. Et lui est tout petit. Et surtout la tête sous l'eau. À quatre pattes nues, c'est la libido, hein, non? Parce que ça, moi, c'est mon image. J'arrive pas à décrire la scène. Achetez-vous cette excellente bande dessinée. Tu n'as rien à craindre de moi, de Johan Sfar. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a quelque chose du rêve dans votre dessin. Il y a quelque chose de fantastique, ses yeux immenses et tout. Il y a quelque chose d'une substance que vous ne prenez pas d'ailleurs, mais qui baigne un petit peu tout ça. Il y a de la couleur dorée. Enfin, De toute façon, passer du temps à dessiner un personnage, c'est dilater le temps. Donc, on va regarder autrement que dans la vraie vie. on va regarder plus longuement. Et quand on passe des jours et des jours à dessiner une nana dans une baignoire, on va s'échapper dans quelque chose. Et là, dans le dessin que vous avez décrit de manière pas très précise, il est tout petit. Il a le nez dans son travail. C'est le problème avec André, c'est qu'il se dilate beaucoup aussi. Non, André est pudique. André est pudique. C'est bien. C'est vrai. Bon, c'est beau. Je trouve que c'est amusant, disant que finalement, c'est le moment où on ne fiche rien de rien, on est allongé. Et c'est là que notre esprit est le plus créatif. Et donc, c'est parfois frustrant. Oui, voilà. Bon, je vous renvoie alors à ce dossier de l'Obs, qui est intéressant. Pardon, Charlie, il y a juste un vrai truc, c'est que 2% des rêves qui sont les mêmes, ça, c'est la théorie de Jung qui dit qu'on a des archétypes. C'est-à-dire qu'on aurait tous, grosso modo, les mêmes types de rêves à partir duquel lui s'amuse à décrypter, alors que les Freudiens disent non, un rêve, c'est de la manière dont on l'exprime, c'est avec les mots qu'on emploie qui vont nous juger. Mais moi, je suis assez jungien, donc cet archétype de la femme immergée dans l'eau avec un peintre. Jungien, archétype, maintenant on va parler avec Juliette Arnaud avec des mots simples. C'est sympa pour Juliette, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'elle a lu? Non, c'est une qualité de dénoncer les choses clairement. C'est la pédagogie. Oui, ah, pardon, madame. Allez, la truffe, on vous écoute. Ouh là là, ça part bien. En même temps, c'est une BD, c'est pas trop compliqué. Allez, vas-y. Taisez-vous, André. Taisez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus fatigant? Vous taisez-vous pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus fatigant que les promesses électorales rompues? Vous savez, l'ennemi, c'est le monde de la finance et bim, je vous colle Cahuzac au budget et Macron à l'économie. Eh ben, il y a les promesses amoureuses non tenues, celles qu'on se fait au début des histoires d'amour en pleine période de cristallisation. Petit rappel lexical, Dédé. Qu'est-ce que la cristallisation? N'y répondez pas. C'est une figure de style, je vais répondre moi-même. C'est bien joué. C'est une invention de Stendhal, qui était aussi calé en littérature qu'en fracas amoureux, et dans son essai de l'amour, il parle des mines de sel de Salzbourg, dans lesquelles on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. Deux ou trois mois après, on le retire, couvert de cristallisations brillantes. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Et qui dit de nouvelles perfections réelles ou imaginaires, dit accroissement de l'amour. Tu n'as rien à craindre de moi, c'est la promesse de Zieberstein, le héros de Johann Sfar, à son amoureuse. Entre Zieberstein et son amoureuse, qu'il surnomme Mireille d'Arc, parce qu'elle ressemble à Grace Kelly, à Mireille d'Arc, tout ce désir est encore augmenté lorsqu'il la prend comme modèle, parce qu'il est peintre, et modèle nu, parce qu'il a reçu une commande du musée d'Orsay pour illustrer l'origine du monde de Gustave Courbet. Tout le monde ferme les yeux, tout le monde là, on recommence. Non, plus il la contemple, plus il la désire, plus elle se sent désirée, plus elle est emplie de son désir à lui, il contemple sa splendide nudité, ses jambes, ses fesses, ses hanches, sa chatte. Ah, bah oui, ah, j'y ai droit. Premièrement, c'est dans la BD en toutes lettres. Oui. Et puis, flûte à bec, hein, on cause de l'origine du monde, pas du doigt de Dieu dans la création d'Adam de Michel-Ange. Non, on ne va pas par là. Non. Après, le chat du rabbin, la chatte de Mireille d'Arc. Ah bah si, on aurait bien. De Mireille d'Arc, tout attaché. Johann Sfar, vous êtes archi raccord. Je vais m'en servir. Je suis désolée. Je peux faire une émission culturelle parce que c'était l'objet. Sauf que Mireille d'Arc, pas tout attaché, ce qui la qualifie, ce qui restera jamais dans notre imaginaire collectif, ce sont ses fesses. Bah oui. Oh Dédé. Sa robe. Ah, les fesses de Mireille d'Arc. Ou plutôt, et là on est à nouveau raccord, l'origine de l'arrêt de ses fesses. Ah oui. Parce qu'il n'y a que ça qu'on voit dans Le Grand Blanc avec la chaussure noire. Une origine qui pourrait être aussi inquiétante que l'origine du monde. Sauf que Mireille d'Arc se retourne, qu'elle sourit, et alors, magie. Aussitôt annuler son immense pouvoir sur le désir des hommes par son sourire, le plus gentil sourire de la terre. C'était ça le truc de Mireille d'Arc, pas attaché. La vraie, somme toute, c'était ses fesses et son sourire qui ne disaient pas la même chose. C'est comme cette promesse au début d'une histoire de désir physique, celui qui est sans issue, hein, c'est pas de moi, c'est... Bon ben Serge. Et donc l'histoire, elle peut pas bien finir, malgré la promesse initiale. Et en cela, la promesse de Carmen, de Bizet, elle est bien plus fiable, à défaut d'être plus aimable. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Dans les deux cas, de toute façon, à la fin, Mireille d'Arc tout attachée ou Carmen, la fille, eh ben, elle se tire. Sans doute lassée du jeu de dupe, celui qui regarde, celle qui a regardé. Qu'est-ce qu'il lui reste à lui? Eh ben, il lui reste l'art, Hein, Musset, rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur, mais pour en être atteint, ne crois pas, ô poète, que ta voix ici-bas doit rester muette. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Ça, c'est pour les amoureux fracassés par les promesses non tenues. Pour ceux encore plus nombreux fracassés par les promesses non tenues électorales, il y a un truc qui s'appelle Nuit debout, où on discute activement, sérieusement, de comment faire en sorte que ça puisse plus arriver, les gars qui tiennent des promesses qui tiennent pas, et comment on peut les punir. À bon entendeur, bisous, merci, bisous. Juliette Arnaud, merci. Parlant de l'album de Johann Sfar, Tu n'as rien à craindre de moi, édition Rue de Sèvres. Vous avez reconnu votre album, j'espère. Quel talent. Tout va bien. Troisième sujet avec vous, Johann Sfar. Qui se cache derrière Emmanuel Macron et son mouvement En Marche? Deux publicitaires spécialisés dans l'alimentation. Oui, nous sommes au regret de vous dire que ce n'est pas une blague. Il y a un article dans Le Point qui sort aujourd'hui. Qu'un politique laisse son image entre les mains de vendeurs de saucissons. Supu être une blague quand même au départ. Donc ça nous donnerait Jack Bourgard pour une politique ferme mais pas trop. Ouais, ça me paraît pas mal ça, mais ça me rappelle quelque chose ça, ferme mais pas trop. Bah, disons que c'était notre campagne de publicité pour le camembert bridoulou. J'ai repris le concept mais ça fonctionne. Ouais, ouais, non, mais ça c'est grave, hein, ça, parce que si les gens ils s'en rendent compte. Le sketch, c'est totalement la réalité. Depuis Jacques Séguéla et Mitterrand. Ils étaient en avance, c'est semblable. Ah ouais, hein. Le sketch, on C'était après Mitterrand, quand même, ça. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est un article à lire dans Le Point. La communication d'un mouvement politique est donc assurée par une agence de pub qui s'occupe de Quick, Milka et TF1. Donc on est vraiment en train de revivre le sketch des inconnus, Johann Sfar. Voilà, c'est comme cette pub de l'alimentaire pour le politique. On est toujours dedans. Vous, est-ce que ça vous inspire une réflexion? Aucune, absolument aucune. Je crois que le public. C'est un bon invité en tout cas. Oui, c'est ça. Hein. Je crois que on est dans ce problème-là. Le public est plus dupe de grand chose. Il en a marre des porte-voix. Il en a marre qu'on leur vende des saucisses, comme on dit. Et en même temps, moi, je veux bien y aller, place de la République, et j'y vais. Et on entend des choses formidables, mais pas que. Donc, il y a un moment, il va falloir quand même réinvestir les partis politiques, parce que si on reste place de la République, je sens le désespoir venir. Ah oui, vous pensez, vous? Ouais. Moi, je pense. Il faut élargir la base, peut-être, de Nuit debout, et que plus de gens s'impliquent. Moi, j'en ai assez d'entendre. Ça va pas se régler dans les partis politiques. Moi, je préférerais entendre. Il y a une parole qui est née, qui a commencé à se répandre. Il faut que les partis changent. Il faut qu'ils acceptent des nouvelles têtes. Et il faut qu'ils acceptent de se faire conquérir de l'intérieur. Mais donc, il faut des nouveaux partis politiques plutôt. Pourquoi? Bah parce que cela, on voit bien, déjà, que, on voit bien moi que c'est je des coquilles ultra réac. Moi, je suis ultra réac. Déjà, le front de gauche, ça m'a gonflé. Je reste PCF. Donc, je suis à droite de l'extrême gauche, si vous voulez. Donc, si on me change les noms tout le temps, je m'en sors plus, moi. Oui. Déjà, les Républicains, j'ai pas compris ce que c'est. Non, on peut vous garder... avez besoin de repères. Vous exactement. Avez les repères, l'échiquier, la gauche, la droite, le exactement. Centre. Il faut que tout ça, exactement. Place. Moi, je suis un traditionnaliste d'extrême gauche. Voilà, alors je vous renvoie à cet article du Point où donc cette agence de pub explique, quand les journalistes demandent, bon voilà, vous faites de l'alimentaire et la politique, ça pose pas de problème, ils répondent, je vous cite, hein, « Mais nous, avec la bouffe, nous avons l'habitude de nous adresser à tout le monde, alors quand le produit est bon ?» Voilà, donc on n'est pas bien avancé avec cette histoire. On n'a pas fini de bouffer du Macron. Voilà. Et tiens aussi, l'un des deux communicants vient de la fameuse boîte de publicité comme Euro-RSCG, et l'un des deux avait rejoint l'équipe de DSK. Donc il y a un côté un petit peu légèrement cyclique quand même. Donc là vous gardez vos repères, Johann Sfar, je pense. Moi j'ai peur de la campagne de pub de Marine Le Pen qui va arriver. Ah, parce que oui. Tout le monde est tellement énervé que je la soupçonne de vouloir nous jouer le calme. Elle va nous faire François Mitterrand là. Il y a la force tranquille qui va revenir. Et ça, j'ai peur de ça. Mais comme on n'est pas dupe, on va se préparer. C'est ça, on y est là. Et avec les dessins de Johann Sfar notamment. Alex Vizorek, Johann Sfar est certainement comédien à ses heures. La règle du sketch en fin d'émission qu'on propose à tous les invités. Vous avez fréquenté artistiquement un certain Serge Gainsbourg pendant longtemps. Ah, je vais devoir dire des trucs. Ouais. On s'est dit que vous feriez un bon Serge Gainsbourg s'il revenait aujourd'hui et qu'une journaliste des Inrock l'interviewait sur les nombreux retours de chanteurs de son époque. On y va. Je suis la journée des Inrock, moi, c'est alors. Hein. Monsieur Gainsbourg, première question, comment allez-vous? J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Et doucement, Serge, parce que nous sommes à l'antenne, hein, quand même. Ne vous déplaise. Oui, bon. Que pensez-vous du retour des vieilles gloires de la chanson? Je suis venu te dire que je m'en vais. Mais vous voulez dire que vous êtes contre les comebacks? Comeback, comme Mozart, comme Vivaldi, il ferait mieux de se taire. Mais par exemple, que pensez-vous précisément du retour de Renaud? Toujours vivant, toujours debout. Quel beau brin de voix. Le rêve, c'est Gainsbourg qui me dit que j'ai une voix de merde. Bon, calmez-vous. Alors comme ça, mon petit gars, tu fais ton retour? Ouais. J'ai arrêté l'alcool, j'ai retrouvé ma voix complètement. Vous êtes sûr que c'est pas le contraire? Rires. Les amateurs d'imitation se régalent. Hein. Vous êtes rude. Parce que je dois imiter Gainsbourg. Non, pas vous. Je vais le faire avec la voix de Brassens. Vous, vous êtes rude, Serge. Par exemple, le retour de Nana Mouskouri, ça vous fait pas bander. Nana Mouskouri, elle est toujours vivante, toujours debout. Quel âge elle a, la petite poule? Je vous fais Brassens, monsieur Gainsbourg, j'arrive pas, excusez-moi. 81 ans. Je confirme, ça ne me fait pas bander. Jean-Bertola. Mouskouri, ok, c'est pas le bon exemple. Ouais, c'est vraiment pas un bon exemple. Même bourré, je dirais non. Oui, mais il y a aussi le retour de Polnareff. Paul comment ? Polnareff. Non merci, les mecs qui copient Obispo, ça... Non mais c'est dégueulasse ce que vous dites, j'adore Polnareff. Non merci, les mecs qui copient Obispo, ça m'intéresse pas. Qui d'autre ? Après les mecs... Christophe ? Avec les filles, j'ai un succès fou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le charme, ça fait vraiment tout. Quelle horreur, on n'y croit pas une seconde. Ouais, arrêtez, c'est dans la police France Inter. France Inter, c'est bien la radio qui invite toujours Johan Sfar. Bah oui alors. Ça vous donne une idée ? Bah, une dernière chose à ajouter ? Non, je dis pas ça. Oh, I want to fuck you, non, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que quand il te voit, il est toujours vivant, toujours debout. Déconstruis le sketch, déconstruis. Ouais, ouais. Mais en interview. Merci. Mais il aime pas les scénarios classiques, donc là, il a pété le scénario. Vu, elle a une nouvelle vague. Oui, bah on n'a pas suivi. On n'a pas suivi les repères de scénario. Et Johan Sfar ne suit pas les repères de scénario non plus pour son dernier album, Tu n'as rien à craindre de moi, paru aux éditions Rue de Sèvres, sur la relation de l'artiste à sa muse. Oh là là, ça c'est le de oui, André Manoukian. La muse, je connais. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Merci Johan Sfar, merci Juliette Arnaud, merci Guillaume Meurice, Alex Vizorek, merci André Manoukian. Et on va laisser le mot de la fin. À qui ? Pour vous, rien que pour vous, Nicolas Demorand. Déshabillez-vous, vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu, nous allons pouvoir juger de l'effet comique.